faire de ma vie. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'avis. Je me laisse aller au fil de mes envies. Mais les années passent peu fières, je reste dans ma tanière. Mes amis me l'ont dit, bouge pas si tu veux pas canner. Mais mon lit m'a lié au rêve de Morphée, alors je reste couché. Regardons s'écraser cette société. Regardons s'écraser cette société. D'un nouveau système où le partage serait le seul emblème. Mais y'a comme un camacogne, y'a comme un petit problème. L'idée de me lever me rend blême. Alors je me contente de parler de chacassé. C'est ce qui m'a permis d'arrêter de me tracasser. Mais je continue à me tenacer. J'arrive pas à concrétiser mes projets. J'arrive pas à concrétiser mes projets. Le seul, j'ai donc choisi de fermer ma gueule. Je ne bougerai pas le petit doigt. Sauf si on touche à mon chez moi. Je sais pas si t'as saisi le schéma. En gros, chacun flippe pour chez soi. De cette façon là, c'est normal qu'on n'avance pas. De cette façon là, c'est normal qu'on n'avance pas. Si le monde dans lequel je vis est tel qu'il est, c'est parce qu'il est tel qu'on fait. Chacun de nous espère à l'édifice. Pour qu'on sache de l'édifice, ton avance vers un progrès concret. Car il est temps désormais concret. Ce monde parfait et enfanté de nos pensées. Effacé par le passé, prendre conscience, on connaît à tout universel. Et que c'est en nous que l'universel, ce que l'on crée. Être responsable à chaque heure, capable du pire comme du meilleur. Coupable de leur malheur, palpable dans leur rancœur. Que le cœur te lâche, lâche de ces cris dégueulasses que plein de gens regardent de face.